Today, 10th of April, 2022. Today, I would like to continue yesterday's talk. Uttanena pamadena sanyamena dhammenaja dipankirata medhavi yang ogho nabhikirati. Yesterday, I explained Uttana, diligent practice, Appamadena, mindfulness, how to be mindful with the energetic effort, physically and mentally. Today, I have to explain Sanyama. Sanyama is a precept, discipline of moral conduct, sila. Aujourd'hui, nous sommes le 10 avril 2022. J'aimerais continuer le discours d'hier, l'enseignement d'hier, avec la stance du Dhammapada, Uttanena Pamadena Samyamena Dhammenacha Dipam Kayirata Medavi Yam Ogo Nabi Kirati. Hier, j'ai expliqué les mots Uttana et Appamadena, Uttanena et Appamadena. Uttana, c'est la pratique diligente. Appamada, c'est l'attention. J'ai expliqué comment être attentif avec l'aide de l'effort énergique, de l'effort à la fois physique et mental. Aujourd'hui, je dois expliquer le troisième mot, le mot Samyama. Samyama fait référence au précepte, à la discipline de la conduite morale. Sila, la moralité. Sila aussi, c'est très important, c'est le fondement qui nous permet de nous extraire de la souffrance, qui nous permet d'atteindre l'illumination. Afin d'y parvenir, nous devons nous discipliner nous-mêmes. Les yogis viennent de prendre les 9 préceptes. Comme les yogis savent, les 9 préceptes, c'est ne pas tuer, ne pas voler, etc. Et les yogis ajoutent aussi un 9e précepte aux 8 préceptes traditionnels, celui de rayonner metta pour tous les êtres, l'amour bienveillant pour tous les êtres. Cela peut nous aider à atteindre l'illumination. En observant les 8 préceptes ou les 9 préceptes, nous devons veiller à avoir un bon comportement physique et verbal. Nous devons prendre garde à nos actions physiques et verbales. Pour les actions verbales, c'est ne pas mentir, ne pas cancaner, etc. Même si le travail de la méditation, c'est de soigner notre mental, le fondement de ce travail, c'est dans le contrôle des actions physiques et verbales. Et donc, nous devons veiller spécialement à ne pas rompre aucun précepte, surtout pendant la méditation. Afin d'atteindre l'illumination, notre corps et notre esprit doivent être purs et limpides et nettoyés, sans quoi il n'est pas facile d'atteindre l'illumination. C'est pourquoi nous devons tenter d'être purs dans notre corps et dans notre esprit. Le Bouddha a parlé de 3 kamas, kaya kama, vachi kama et mano kama. Kaya kama, c'est les actions physiques ou le karma physique. Vachi kama, c'est les actions verbales, les paroles. Et mano kama, c'est les actions de l'esprit. Si nous prenons les préceptes, nous prenons soin de nos actions physiques et verbales et nous évitons de commettre des actes néfastes comme tuer ou voler. Si nous ne tuons pas et ne volons pas, notre kaya kama sera bon. Si nous nous abstenons de mentir, de cancaner ou de médire, nous aurons un vachikama pur. Mais il n'est pas encore question de méditation. Nous prenons les préceptes uniquement pour veiller à notre comportement physique et verbal, mais nous ne nous sommes pas encore occupés de notre esprit. Et les kilesas, les pollutions mentales, peuvent encore apparaître facilement. Seule une attention diligente peut protéger notre esprit et lui éviter d'être entraîné à commettre des actes mauvais. Lorsque nous prenons les préceptes, à la fin, le moine nous rappelle « Appamadena Sampadeta ». C'est les paroles que le Bouddha a prononcées au moment où il allait mourir pour rappeler aux bhikkhus d'être attentifs, de rester attentifs, de ne pas oublier les préceptes qu'ils ont pris, de ne pas oublier la pratique qu'ils ont entreprise dans les quatre postures, assis, en marche, debout ou couché, dans les quatre postures, de ne pas oublier la pratique de l'attention. Le Bouddha rappelait constamment aux bhikkhus d'emporter leur attention avec eux tout au long de la journée. Il le leur rappelait tous les jours. En retraite aussi, après les préceptes, on rappelle aux yogis de ne pas briser les préceptes, de s'efforcer à rester vigilant. Si les préceptes sont rompus, ce n'est pas si facile d'obtenir la concentration, et c'est pourquoi on nous le rappelle régulièrement. Samyamena Dhammena Cha. Dhammena, à présent, Dhammena, c'est le contrôle des sens, le contrôle des six sens. Lorsque l'on voit, lorsque l'on entend, lorsque l'on sent une odeur, lorsque l'on goûte une saveur, lorsque l'on touche quelque chose, nous devons contrôler les sens. Et contrôler les sens, ça veut dire prendre soin de nos sens. Si nous ne le faisons pas, les kilesas, les pollutions mentales qui sont toujours présentes en nous, vont remonter à la surface. Si nous voyons quelque chose, par exemple, ou si nous voyons quelqu'un, et si nous n'y prenons pas garde, loba, dosa ou moha peuvent apparaître, l'avidité, la colère ou l'ignorance. Ce sont des actes mentaux malsains ou des états d'esprit malsains. Notre esprit devient impur. Et si l'esprit est impur, nous ne parvenons pas à la concentration. Nous ne pouvons pas voir l'esprit et le corps clairement tels qu'ils sont réellement. Si nous voulons voir le corps et l'esprit clairement, nous devons contrôler les sens avec l'attention. C'est cela donc Dhammena. Il faut que nous prenions soin de nos sens avec l'attention. Dans le Satipatthana Sutta aussi, on parle de Dhamma Nupassana. L'instruction, c'est quand on voit quelque chose, de noter, voir. Quand on entend un son, de noter, entendre. Quand on sent une odeur, de noter, sentir. Lorsqu'on mange ou lorsqu'on goûte la nourriture, de noter, manger ou goûter. Et lorsqu'on touche un objet, de noter, toucher. Dhamma, c'est prendre soin des sens, des organes des sens, avec attention. Donc pendant la méditation, on n'observe pas uniquement le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Ça relève de Kaya Nupassana, l'attention au corps. C'est la base. En observant le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, on essaye d'établir l'esprit sur l'objet présent. Le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, c'est ce qu'on appelle l'objet primaire ou le foyer, l'objet du foyer. Et on choisit cet objet-là parce que ce mouvement de l'abdomen, de soulèvement et d'abaissement, est assez clair et facile à noter. C'est plus difficile avec les visions. Lorsque l'on voit quelque chose, l'objet de la vision est un objet assez délicat et subtil qu'on ne peut pas voir facilement et clairement, sauf si l'attention est forte. Lorsque l'esprit est bien établi et que l'attention atteint un certain degré de qualité, on peut noter, voir. Et quand l'attention est vraiment très forte, on pourrait même voir des nimittas, c'est-à-dire des images qu'elles soient plaisantes ou déplaisantes. À ce moment-là, il faut rapidement noter, voir, sans délai. Si notre attention est bien forte, on en sera capable. On sera capable de noter ces beaux objets ou ces objets forts assez rapidement. Mais parfois, c'est difficile pour les yogis. Lorsqu'ils voient un objet plaisant, ils vont avoir tendance à aimer cet objet parce qu'ils n'ont jamais vu ce type d'image auparavant. Ils n'ont jamais rencontré, ils n'ont jamais fait cette expérience, expérimenté une telle image auparavant. Par exemple, l'image de bhikkhu ou bien d'être noble, ou même on pourrait voir le Bouddha vivant devant soi, ou des devas, des déités, déités féminines ou masculines, ou des anges. C'est-à-dire des objets plaisants qu'on ne voit jamais dans la vie de tous les jours. Lorsque la pratique est diligente, l'esprit est concentré et peut voir ce type d'objet. À ce moment-là, on oublie de le noter parce que c'est un objet plaisant. Toutefois, si l'esprit qui note est vraiment puissant, si l'attention est continue, de tels ressentis agréables ou un tel attachement pour de belles images n'apparaîtra pas. Pour ne rien dire, évidemment, de la colère qui apparaîtra encore moins. Par contre, si l'esprit qui note n'est pas si puissant que ça, cet attachement ou cette attirance pour l'image peuvent apparaître. Elle peut apparaître, mais si la prise de note est continue, l'image disparaîtra aussitôt, parce que nous la notons de façon rapprochée. Les images plaisantes n'apparaissent pas en raison de ce que nous pensons ou de ce que nous imaginons. Nous ne voyons pas ces objets à dessein. L'attention est diligente, continue. La pratique est continue et diligente. L'esprit est serein, concentré, et ces images apparaissent d'elles-mêmes. Mais en tant que yogi, nous devons noter tout ce qui apparaît, quoi que ce soit. Si la prise de note est puissante, l'image va disparaître. Par contre, si elle n'est pas puissante et s'il y a quelque attachement pour cette image, quelque attirance pour cette image, l'image ne va pas disparaître. C'est pourquoi nous devons être très attentifs. Dès que l'image apparaît, nous devons le noter attentivement. Les yogis ne voient pas tout le temps des images plaisantes ou des objets plaisants apparaître de façon inopinée. Parfois aussi, ils voient des objets déplaisants qui apparaissent de façon inopinée. Par exemple, un cadavre ou un vieillard ou des choses de ce type, des images qu'ils n'aiment pas. Lorsque des objets déplaisants apparaissent, si vous êtes d'un caractère un peu peureux, la peur va apparaître. Mais si vous notez voir, et si votre prise de note est puissante, la peur n'apparaîtra pas. C'est pourquoi, quel que soit l'objet que l'on voit, nous devons le noter. Voir. Si nous pratiquons ainsi, nous avons la qualité de Dhamma, c'est-à-dire que nous sommes capables de contrôler le sens de la vision. Nous devons posséder cette qualité en tant que yogi. Okay, that's enough for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are. Then attain Nibbana.